Texte 3. Si seulement. Si seulement tu voulais, si seulement tu pouvais, tu n'aurais rien à regretter. Je te prendrais par la main, nous ferions ensemble un bout de chemin. Tu verrais comme c'est beau un matin à deux, tu verrais comme c'est bon d'être heureux. Je mettrais nos deux cœurs à l'abri, bien au chaud dans nos vies. Si seulement tu voulais, si seulement tu pouvais dépasser ton passé. Y a pas de hasard dans notre histoire, qu'une longue attente, un peu de retard. Pour réparer ton cœur, j'inventerai des tonnes de langages. Mes yeux dans les tiens, nos mains jamais loin, je te montrerai ces nouveaux paysages où l'amour, c'est certain, gagne toujours à la fin. Je sais qu'ils t'ont égratigné, bien des fois t'as cru pouvoir t'envoler. Comme l'oiseau blessé, tu finissais toujours, toujours par retomber. Maintenant il est temps d'oublier. Si seulement tu voulais, si seulement tu pouvais. Y a pas que des histoires qui finissent, y a aussi celles qui s'étoffent, s'embellissent. Y a celles qui ont un goût d'éternel. Là, je te parle de nos âmes jumelles, des histoires qui ne meurent qu'à la fin, pour renaître quelque part, une vie plus loin. Y a des amours heureux, mais pour ça faut être deux. Des hivers pleins de tendresse, quand les cœurs sont en liesse. Des soleils qu'on croyait éteints, qui dormaient par paresse. Puis qui brillent de mille feux, quand ils se réveillent enfin. Dis, serons-nous cette histoire que l'on n'attendait plus? Cheveux blancs, rire au vent, deux enfants s'aimant dans la rue. Je suis venu de loin, avec pour seul bagage une longue vie d'errance. Pendant toutes ces années, cultivant l'espérance, j'ai guetté ton sourire, ton visage, ton regard, espérant croiser ton chemin de port en port, de gare en gare. Il en aura fallu des détours, des impasses, des mirages, avant que je puisse enfin aborder ton rivage. Il nous en aura fallu des petits bouts d'existence pour que nos deux vies parviennent finalement à tourner la même danse. On pourrait regretter que notre histoire arrive aussi tard. On pourrait refuser à nouveau d'y croire. Mais il nous reste encore de belles années, des printemps, des étés, des secondes par milliers. Si seulement tu voulais, si seulement tu pouvais. Je n'ai que cette bague à t'offrir. Ma seule richesse, mon seul bagage. Mais quelle est cette larme sur ton visage? Désolé, je croyais que les anges ne pleuraient jamais. J'aurais dû m'annoncer, avertir ou simplement t'embrasser. Ne pleure pas. Je suis juste venu te demander si tu voulais m'épouser.